calcul des dotations au comité d'entreprise. Un rappel. Les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent être compris dans la masse salariale servant au double calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de base à ces calculs